son de verre. Un souffle brise tout l'univers. Ride is kill, marche, bloc d'acier. Un nom gravé que rien ne peut plier. Chaque mensonge tombe comme une pierre. Vos voix s'écrasent dans la poussière. Idole creuse, trône sans base. Vous brûlez vite, je reste en phase. Moi je porte l'acier dans mes veines. Chaque mot frappe, chaque ligne entraîne. Red skill lourd, franc et brutal. Un feu qui règne, un cri loyal. Des foules sans penser, des ombres vides, vite consumées. Chaque regard se perd dans vos chaînes, mais vos mirages ne laissent que peine. Moi je marche froid, droit et réel. Mon nom résonne, poids éternel. Raid et skill, vie dure et précis. Un bloc vivant au cœur de la nuit. Cris s'éteignent dans ma lumière. Chaque attaque nourrit ma pierre. Ride ce qu'il forge dans vos tempêtes. Un roc debout, une voix honnête. Chaque mensonge me fortifie à l'aise. Ride skill, marche, bloc éternel. Un nom d'acier, un souffle réel.